ça change ma taille, point pour les masser. Le LV, on est sorti des coulisses. Ça change ma taille, point pour les masser. Quand vous prenez un tas d'un mic, ça change ma taille, point pour les masser. Le LV, on est sorti des coulisses. Ça change ma taille, point pour les masser. On arrive dans le move, bonhomme comme John Snatch. Mais on craint la surprise comme quand Brad Pitt a tombé le gros dans Snatch. Et tout le monde dira hey, le LV c'est pas de la tchatch. Que leurs mots font bien plus mal que dans le beat d'un bon coup slatch. On veut au nom du King, Melchizedek. Frapper le move, les frères n'ont plus gros mec. Et si certains pensent pouvoir nous arrêter, ils vivront une vision de carnage qui les laissera bouger. À l'aise comme Michael Jordan sur un terrain de basketball. On se passe le mic, moi et mon rang, on fait des tirs groupés en live. Mec, hardcore comme le bitume et la life. On vient changer la donne avec un message clair venu du ciel, frère. L-E-A-D-E-R-V-O-C-L-E-L-V. Comme les disciples envoyés deux par deux. Encore des frères comme Jean et Jacques, fils du tonnerre. Cette fois je prie que le feu descende comme le vendredi. Ça change ma taille, point pour les masser. Le LV, on est sorti des coulisses. Ça change ma taille, point pour les masser. Quand vous prenez un tas d'un mic, ça change ma taille, point pour les masser. Le LV, on est sorti des coulisses. Ça change ma taille, point pour les masser. On est des conquérants voués corps et âme à notre lieutenant. Du temps, jour et nuit, sans relâchement. Pour la gloire de Dieu et du Messie mon vieux, j'suis prêt à dire à la vie et tout ce que j'ai à Dieu. C'est pas une question d'honneur, rien que de l'amour sur le champ d'honneur. Mourir pour lui c'est dompter la peur. Alors man, lève les bras. Le LV une fois de plus reprend le combat. J'puis un instrument entre les mains de Dieu. Avec le génie et un pacte scellé. Prends les demi de mener dans toutes mes prods, mes combos. Graver son nom dans mes CD. Révéler sa majesté partout j'poserai les pieds. J'suis pas un mytho, c'est dit Jésus mais vivant. Si entre ses mains on est des instruments. Comme Abraham, j'suis à la recherche du temps nouvel. En quête de mon meilleur chemin en route pour la vie éternelle. Ça change ma taille, point pour les masser. Le LV, on est sorti des coulisses. Ça change ma taille, point pour les masser. Quand vous prenez un tas d'un mic, ça change ma taille, point pour les masser. Le LV, on est sorti des coulisses. Ça change ma taille, point pour les masser. Quand vous prenez un tas d'un mic, ça change ma taille, point pour les masser. Le LV, on est sorti des coulisses. Ça change ma taille, point pour les masser. Quand vous prenez un tas d'un mic, ça change ma taille, point pour les masser. Le LV, on est sorti des coulisses. Ça change ma taille, point pour les masser. Ça change ma taille, point pour les masser. Ça change ma taille.